Bonjour et bienvenue dans cette écoute du premier album de Richard La Lumière intitulé Les Grands Chants du Matin Arctique. Pour ce faire, nous allons devoir nous connecter à l'Internet astral. Monsieur La Lumière n'est pas responsable des réactions causées par les bruits électroniques. Bonne écoute. 864 246 854 23 93 www.beepbookmusicmathematique.com. L'Internet. L'Internet. L'Internet. L'Internet. L'Internet. Oh. L'Internet. Oh. L'Internet. Wow. O W. O H. O. L'Internet. C'est tout sauf propre. L'Internet. C'est tout sauf net. C'est l'inter-sale. C'est l'inter-sale.